Les villages sont près du parc naturel des Grands Alemans. C'est un environnement très riche et beau avec des espèces très importantes. Par exemple, les pinsapos, une sorte de pin qui se trouve seulement dans cette région et en Russie. Il y a eu beaucoup de villages qui se sont établis sur cet endroit. Les ruines les plus anciennes appartiennent à l'époque préhistorique. Nous pouvons trouver quelques indices de cette époque à Villa Martín, par exemple dans les dolmens Alberite. Plus tard, les Romains ont été aussi dans cet endroit. Ils ont construit beaucoup de monuments importants et ils ont introduit des différentes innovations. Nous pouvons trouver dans notre environnement des traces romaines, comme le village romain de Ocurri, très proche du Brique, situé sur une belle colline appelée El Salto de la Mora. Il y a aussi les Arabes qui se sont assis ici et qui ont apporté leurs mœurs et une architecture imaginative. Un bon exemple, c'est le Barrio Nazarí à Benauca. À présent, on ne peut voir que les ruines, mais avec un peu d'imagination, on peut remarquer la division des maisons, les rues étroites et empierrées. Un autre exemple, c'est le château de Fatima, situé tout en haut d'une colline où tu peux avoir une vue fantastique. Pour conclure, j'habite dans un endroit privilégié, entouré d'une belle nature. Tout au long de l'histoire, beaucoup de gens sont tombés amoureux de lui. José Pérez Gallardo, el Retra, est né en 1880 à Constantina, Séville. Il était menuisier à Badajoz quand il s'est marié avec Maria del Carmen. Il a eu 7 enfants et seulement 3 sont encore vivants. Dans un certain moment de sa vie, il a commencé à perdre sa vue. Il s'intéresse alors à la photographie et il devient un photographe indépendant. Un jour, il a connu un conducteur de camion qui voyageait de Séville à Ubrique et qui lui a parlé de ce village. Alors, il décide d'y aller. C'était 1936, l'année de la guerre civile. Après la guerre, tous les ans du village devaient être photographiés. C'est pour cela qu'il décide de rester là-bas. Finalement, il est devenu un personnage très connu. Parce que longtemps, il a été le seul photographe de la ville et il a fait des photos de presque tous les ubriqueños. Il a été nommé El Retra, c'est le surnom des retratistes.